just the two of us. Just the two of us. Sire. Vocal mixes are great. Awesome. Well, it's a shame I don't do vocals. I play guitar. That's the only thing I do on Twitch. I think I'm gonna call it evening. Hope to catch your stream, bro. If you're on Discord, post the Discord link for me so I can join it. Thanks. Thank you.

Excessive consumption of almost every type of drug known to civilized man since 1544 AD. Alors bonsoir tout le monde. Tout le monde ici au bar à Piton, mais aussi I'd like to say hi to... Just a minute. I'd like to say hi to Synth Junkie, who's straight right now in Germany, and to Jabba Guitarbase, who's in Brazil. And we have Infinite Drum Loop to close the loop coming up with us tonight again. So, tout le monde, je suis présentement en train de jammer, de jouer de la musique, un open jam. Je sais pas en tout vers quoi ça s'en va, mais on a des gens un peu partout dans le monde, donc on va se faire un dernier petit set avant de terminer tout ça. J'espère que je vous appréciez. Alors, j'aimerais ça avoir un beau shout-out à tout le genre Globally World Wide Web, s'il vous plaît, tout le monde. Merci tout le monde, bonne soirée. Si vous avez des demandes spéciales, désolé, vous vous reprendrez une autre fois. Thank you. Thank you.